Chapitre 10e. Moscou, la Maison Blanche, siège du gouvernement, 28 décembre. Kozlov prit place dans un confortable fauteuil. Sur la petite table avait été disposé de quoi boire et manger. En s'asseyant, Nadia, la plantureuse rousse, fit choir un dossier. Le grisonnant Kozlov, aux épaules tombantes, se leva, le ramassa et le tendit à la ministre. Sur le classeur était écrit « La pension des veuves noires ». Le sexagénaire comprit aussitôt que le rapport concernait la vaste propriété du Tokaristan, qui, dans l'arrière-pays, près de la capitale Arsikouchi, servait de pension aux terroristes djihadistes liquidés par le SFB, l'ancien KGB. La ministre de la Culture s'apprêtait à amorcer la discussion sur le lourd dossier concernant Fatia Ahmadovna Yazurova, passionnariat à la tignasse Auburn de la pension des veuves noires et figure de proue des indépendantistes islamistes du Tokaristan, lorsque se présenta le grand et musculeux lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov. Le chef d'état-major adjoint annonça que le premier ministre attendait Alexandre Konstantinovitch Kozlov. En quittant Kozlov, Nadia abandonna la condescendance qu'elle affichait en toutes circonstances, bien qu'elle ne lui tendît que le bout des doigts plutôt que la main. Elle lui dit, en prenant congé, « À très bientôt, mon cher Sacha. Heureuse que vous soyez de retour parmi nous. Dos vidania. Au revoir. » Elle s'éloigna du pas gracieux et aérien qu'on lui connaissait, laissant Kozlov avec le lieutenant-colonel. Ivan Kuznetsov invita son beau-père à le suivre à l'extrémité opposée du bâtiment où l'attendait dans son bureau le chef du gouvernement. Dimitri Anatolievitch Kozakov occupait la Maison Blanche depuis que, 4 ans plus tôt, Popov avait été élu au sommet de l'État. Il était un premier ministre dévoué sans doute parce que le président, pourtant de 20 ans son aîné, ne l'avait jamais traité en subalterne mais en fidèle comparse. Il était un rouage essentiel du système mis en place par son compagnon de lutte. Au Kremlin, jaloux de sa proximité et de la totale confiance qu'avait en lui Vladimir Vladimirovitch Popov, ses adversaires avaient eu tôt fait de le surnommer le vizir, et parfois le mini-moi. Un clin d'œil perfide à sa petite taille et au grand petit méchant, copie miniature du docteur d'enfer, dans les films à succès de la série caustique Austin Powers. Son 1m62 le complexait terriblement, au point de l'inciter à porter des chaussures à talonnettes et de réclamer des cadrages complaisants, en légère contre-plongée, permettant de modérer ce handicap dès qu'il passait à la télévision. Amateur éclairé de la bonne cuisine, le vizir n'hésitait pas à faire venir les meilleurs produits pour satisfaire son appétit. C'était un gros mangeur, plutôt gourmet que gourmand. Ce penchant transparaissait dans son langage. Pour indiquer qu'il fallait savoir saisir sa chance, car nous ne pouvons vivre 2 fois la même chose, il ne vous disait pas « On ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau du fleuve », en reprenant une pensée d'Héraclite. Mais l'histoire ne repasse pas 2 fois les plats, selon la formule de Céline. Son visage poupin lui donnait un air jovial et patelin de quarantenaire épanoui. Le mini-moi tranchait par son apparente douceur et sa sérénité mesurée, avec le côté taureau furieux du sexagénaire Vladimir Popov, formé à l'école du KGB, adepte de la poigne de fer et des déclarations fracassantes. Avec le temps, Kozakov avait appris à cultiver son image de relayeur du président Popov. Pour la presse économique occidentale spécialisée, il avait une aura moderniste et positive. Il ne se vexait pas quand les commentateurs politiques le brocardaient en désignant Popov comme le premier Zidan, seul détenteur du pouvoir. Ne voulant pas uniquement inaugurer les chrysanthèmes, il avait su prendre sa place et se tailler un domaine réservé, même au prix de quelques grincements de dents de son vieil ami. S'il avait laissé Popov gérer le pays à son gré, il s'était surtout assigné comme objectif de faire gagner des points à la Fédération de Russie sur la scène internationale. Ne pouvant, ni ne voulant rivaliser avec son protecteur, il concevait son rôle comme celui du troisième coureur d'un relais, celui qui attrape le bâton dans les meilleures conditions possibles, triomphe de la piste en négociant le dernier virage pour que le sprinteur, dans la dernière ligne droite, coupe en vainqueur la ligne d'arrivée. Les Occidentaux en général et les Anglo-Saxons en particulier pensèrent désolidariser le binôme en accueillant chaleureusement Kozakov et froidement Popov, mais rien n'y parvint. Kozakov, avocat de formation et latiniste émérite, savait que dans un système, quand la tête tombe, c'est qu'on a tranché le coup. Il était le coup. Et puis, il ne se sentait avoir ni l'âge ni l'étoffe pour briguer le Kremlin. Il se devinait trop esthète, dans un pays qui affectionnait les dirigeants virils, voire un peu bestiaux, à l'image d'un Popov. Comme une écrasante majorité de son peuple, il était attaché indéfectiblement à celui qui avait rendu de la dignité à la fonction présidentielle après les frasques de Boris Lomakhine. Le premier ministre Kozakov prenait grand soin de son image, sans chercher à singer son aîné. Comme lui, il portait des cols roulés noirs quand il voulait paraître plus décontracté. Généralement, il soignait sa mise en s'habillant chez les couturiers parisiens ou milanais. Chef de file de l'aile libérale au sein du KD, le Parti constitutionnel démocratique, le groupe politique majoritaire, Dimitri Kozakov se décrivait volontiers comme un technocrate pragmatique. Vladimir Popov était arrivé au KD par accident. Sa mission originelle était de coller aux Basques de Mostovoï. Il lui fallait appartenir à un groupe. Le KD lui ouvrit les bras, à lui qui se considérait comme un centriste conservateur, au-dessus des appareils traditionnels et de leur logique propre. Dimitri Kozakov, en revanche, avait fait un choix conforme à ses idéaux empreints de réformisme et acquis au progressisme occidental. Il avait conforté ses convictions à l'aune de plusieurs années d'action publique. Il assumait sans difficulté d'avoir grandi dans l'ombre de Popov. Sa désignation pour être son premier ministre avait été la victoire des libéraux sur les anciens du KGB et l'armée. Elle récompensait son attitude sans faille à l'égard de Vladimir Popov. Elle reconnaissait sa volonté d'avoir suivi la voie tracée par Popov sans jamais dévier. D'ailleurs, s'il s'était affiché libéral sur le plan économique et fervent partisan d'une Russie européenne en politique étrangère, à présent qu'il était à la Maison-Blanche, il se mettait au diapason du Kremlin. Il était d'accord sur la ligne dure à opposer à l'OTAN depuis que l'Alliance Atlantique servait d'étau pour contenir le redressement et l'affirmation de la Russie. Lors d'une visite officielle en Angleterre, au 10 Downing Street, la presse relata un échange entre Kozakov et son homologue britannique Toby Abrazax. À celui-ci qui demandait si Popov envisageait de briguer un second mandat, Kozakov supputant une attaque contre la politique menée, rétorqua d'un ton glacial que la question ne se posait pas, qu'il était en parfait accord avec Popov proclamant « Nous défendons notre pays ». Cette formule « Nous défendons notre pays » résonnait dans la tête de Kozlov lorsqu'il pénétra dans le bureau richement meublé de la Maison-Blanche. Le premier ministre vint à sa rencontre pour le saluer et le prier de s'asseoir. « Remettez votre montre à l'heure russe. Vous n'êtes plus aux États-Unis », dit-il sur un ton monocorde et taquin. Vladimir et Dimitri étaient les Oreste et Pylade de la Russie moderne. Chacun de son côté avait lu les 297 rapports arrivés dans le cadre de leur mémo « Quelle Russie pour demain ?». Tous deux, sans se concerter, et le plus naturellement du monde, avaient choisi le rapport Kozlov. Comme le disait parfois Popov, « Nous sommes comme l'aigle de la Zbornaïa », le drapeau tricolore frappé d'un aigle bicéphale. Le président désire que nous arrêtions un rendez-vous pour le rencontrer. Il sera disponible entre le 1er de l'an et la fête de Noël le 7 janvier. Il vous propose une entrevue le 4 janvier. C'est possible, rétorqua Kozlov. Kozakov, tout en notant la date retenue, précisa. La rencontre se tiendra au Kremlin, palais des Thérèmes. Le président désire que vous lui donniez le nom des personnes qui, au sein de la compagnie des Volkodlak, occuperont les fonctions attendues. Voici une liste de personnes établies par le président. Il veut votre avis sur cet inventaire. Si un nom vous agrée mais ne figure pas sur cette liste, vous pouvez naturellement le proposer. Il sera examiné. Avec la même voix profonde et gutturale, il ajouta « Vous avez fait un harassant voyage, cher camarade. New York-Moscou, via Paris avec détour imprévu par la frontière chinoise, est un long trajet. Vous devez être exténué. Comme vous, moi aussi, j'ai eu de rudes journées. Les islamistes nous posent bien des problèmes. Je ne vous retiens pas davantage. » Les deux hommes se congratulèrent. Lorsque la porte du bureau s'ouvrit, le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov attendait Alexandre Kozlov, qui avait hâte de retrouver sa femme Svetlana et sa fille Xenia. Une fois seul avec son beau-père, Ivan lui confia que le midi Svetlana l'avait invité à manger avec Xenia. Il avait à présent la mission de le reconduire au Kotelniki, l'immeuble dans lequel il logeait et où Xenia se trouvait peut-être encore. Kozlov fut heureux de regagner son appartement situé dans l'immeuble résidentiel longeant les berges de la Kotelnichetskaya. L'ensemble du bâtiment venait d'être rénové à la demande de l'administration. Il n'ignorait pas que le maître d'œuvre de cette modernisation était son ami Arkady Makovozov, spécialement choisi par le président Popov pour concevoir le programme de réhabilitation des sept sœurs, les très fameux gratte-ciel staliniens qui dominent l'ensemble de la ville. Les sept tours avaient surgi dans l'immédiate après-guerre. Elles avaient été élevées en 10 ans, défi remarquable pour un pays en ruine. Elles hébergeaient l'université de Moscou, 2 hôtels, le Leningrad et l'Ukraine, 2 bâtiments administratifs, le ministère des Affaires étrangères et les bureaux de Krasny et Vorota, 2 immeubles résidentiels, l'un sur les berges Kotelnichetskaya, l'autre sur la place Koudrinskaya. La plupart de ces immeubles avaient pris un coup de vieux. Les rescapés de l'ancienne nomenclatura, généraux, cosmonautes, dignitaires, cohabitaient difficilement avec les oligarques, les parvenus, les stars du showbiz, les personnages douteux ou mafieux. Alexis Makovozov, le grand-père de Arkady, avait participé comme contremaître à la création de la tour Slomenskaya, qui abritait depuis 1953 le ministère des Affaires étrangères, un édifice lourdement gothique qui était de loin le plus imposant. Au départ, le projet ne comportait pas de tourelle, mais Staline avait insisté pour que l'on en ajoute une. Ces 7 sœurs furent construites dans un style éclectique qui s'inspirait à la fois du baroque des tours du Kremlin, du gothique des cathédrales orthodoxes et du gigantisme des gratte-ciels américains des années 1930. Leur aspect si caractéristique en avait tout fait l'un des symboles de la capitale russe. Ces nouveaux gratte-ciels, révolutionnaires pour leur époque, ont restructuré l'horizon d'une ville martyre ravagée par la guerre et la destruction du vieux Moscou sous Staline. Ces basiliques païennes restituaient la verticalité et la grandeur au paysage urbain, rôle jadis tenu par les églises et clochers récemment rasés. Les 7 sœurs staliniennes entrèrent successivement en grâce puis en disgrâce au fil des changements politiques. Ces hauts et ces bas se succédèrent jusqu'à l'avènement de Vladimir Popov, qui eut pour elle les yeux de Chimène. Une fois réhabilités, les appartements de ces tours devinrent les plus prisés du marché. Lorsque les administrations quittèrent sur la pointe des pieds le centre de Moscou, les sœurs staliniennes, qui n'abritaient pas un ministère régalien, s'ouvraient lentement à des résidents fortunés ou choisis. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov déposa son beau-père, qui, en sortant du véhicule, vit au balcon du Kotelniki son fastueux gratte-ciel, sa femme et sa fille lui faire de grands signes.